إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. On continue la lecture, la traduction et quelques commentaires sur le livre du Cheikh Abdel Mohsin Ibn Hamad Al-Abbad حفظه الله تعالى intitulé تبصير الناسك بأحكام المناسك, que l'on traduit par l'apprentissage des rites du pèlerinage. Et pour avoir une traduction plus littérale, on dirait plus l'éclairage sur les rites du pèlerinage. Lors du dernier cours, on avait cité Al-Mawaqit. On avait cité le mustahabbat, les actes recommandés pendant le hajj et la umrah. On avait cité al-mawaqit, al-zamaniya ou al-makaniya, les délimitations terrestres et temporelles, que l'on n'avait pas encore terminé. Avant de continuer, un bref récapitulatif de tout ce que l'on a dit, car comme vous l'avez remarqué, il y a énormément de notions à assimiler et à apprendre concernant le hajj et la umrah. C'est un sujet dans lequel il y a énormément d'informations, et le musulman qui veut adorer Allah Azza wa Jal avec clairvoyance se doit de réviser pour mieux assimiler toutes ces notions et tous ces jugements. Donc on avait vu déjà les conditions du hajj et de la umrah, qui sont au nombre de 5, et une sixième condition pour la femme. La première condition, c'est l'islam, d'être musulman. Et on avait dit que c'était une condition à la fois pour l'obligation et pour la validité. Quand on dit une condition pour l'obligation ou pour la validité, c'est-à-dire que quand cette condition n'est pas présente, alors le hajj n'est pas obligatoire. Et si c'est une condition pour la validité, alors le hajj n'est pas valide, même si la personne le fait. Donc il y a la première condition qui est l'islam, d'être musulman. Ensuite, deuxièmement, l'aql, d'avoir la raison. Et on avait dit que c'était une condition à la fois pour l'obligation et pour la validité du hajj. La troisième condition, al-bulugh, la puberté, que la personne doit être pubère. Et quand on dit pubère, c'est il y a différentes choses, soit lorsqu'un signe apparaît, comme les poils qui poussent dans la région du pubis par exemple, ou lorsque la personne atteint l'âge de 15 ans. Et on avait dit que cela était une condition pour l'obligation et non pour la validité. Ensuite, quatrièmement, al-hurriya, d'être libre, de ne pas être un esclave. On avait dit que cela était une condition pour l'obligation et non pour la validité. Cinquièmement, al-qudra, d'avoir la capacité financière et la capacité physique. Et la sixième condition pour la femme, qui est qu'elle voyage avec un mahram qui l'accompagne. Et on avait défini qu'est-ce que le mahram pour la femme. Ensuite, le cheikh hafizahullah a cité les piliers du hajj et de la umrah. Les piliers de la umrah, qui sont nombreux de trois: al-ihram, al-tawaf et al-sa'i. Et ces trois piliers sont à la fois les piliers pour le hajj et pour la umrah, sauf que le hajj, il y a un quatrième pilier qui est al-wuquf bi-arafah. Ensuite, le cheikh a cité les obligations du hajj et de la umrah. Et quand on dit obligation, c'est ce qui est obligatoire de faire, mais celui qui ne les fait pas, son hajj reste quand même valide. On avait dit que les obligations de la Umrah sont au nombre de deux. Al-Ihram min al-Miqat, de faire l'Ihram depuis le Miqat et de ne pas dépasser le Miqat avant d'être en état de sacralisation. Et la deuxième obligation qui est Al-Halqu aw al-Taqsir, de se raser les cheveux ou de se les raccourcir. On avait dit que cela était deux conditions communes à la fois pour le Hajj et pour la Umrah. Pour le Hajj, il y a combien d'obligations? On avait dit que c'était une obligation. Afwan, j'ai dit condition. C'était une obligation que ces deux obligations que sont l'Ihram min al-Miqat, de faire l'état de sacralisation au Miqat, et de se raser ou de se raccourcir les cheveux, était une obligation commune entre le pèlerinage et la Umrah. Et il y a cinq autres obligations du pèlerinage, que sont Ila Ghurubishem, de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Il faut rajouter une information supplémentaire qui est Liman waqafa biha naharan, pour celui qui était à Arafat de jour. Pour celui qui était à Arafat de jour. Ensuite, Al-Mabitu bil-Muzdalifa, de passer la nuit à Al-Muzdalifa. Il en reste trois. Ramyu Jamrat al-Aqaba wa al-Jamrat al-Thalat ayam al-Tashriq. De lapider la grande stèle le jour de l'Aïd et de lapider les trois stèles pendant les jours de al-Tashriq. Il en reste deux. Naam, ahsant. Al-Mabitu bimina layali ayam al-Tashriq. De passer la nuit à Mina pendant les nuits des jours de al-Tashriq. Taïeb, ensuite, tawaf ou wada', la septième obligation du hajj qui est le tawaf d'adieu. Ensuite, le cheikh a parlé des actes recommandés les actes recommandés du hajj et de la umrah. Ils sont au nombre de Naam, ils sont très nombreux. Le cheikh ne les a pas délimités, mais ils sont nombreux. Il a donné quelques exemples. Si je vous demande de me donner trois exemples des actes recommandés pendant le Hajj et la Umrah, vous me direz Ramlo walit tibar, le fait d'accélérer le pas pendant les trois premiers tours du premier tawaf, alit tibar, de découvrir l'épaule droite pendant les trois tours, pendant les sept tours. Taïb, troisième, Naam, shurbu ma'i zamzam, le fait de boire de l'eau de Zamzam. Ensuite, le cheikh a parlé des mawaqit, des délimitations qui sont de deux types. Il y a la délimitation terrestre et il y a la délimitation temporelle. La délimitation terrestre, al-mawaqit, al-makaniya, qui sont au nombre de cinq, qu'a délimité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on dit délimitation terrestre, c'est-à-dire, c'est une limite qu'a fixé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit à quiconque souhaitant accomplir le pèlerinage ou la Umrah de traverser ou de dépasser cette limite terrestre sans être en état d'Ihram. Ils sont au nombre de cinq. Dhul-Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. Al-Juhfa, qui est le miqat des gens du Sham. Et Al-Amlam, qui est le miqat des gens du Yémen. Qarn al-Manazil, qui est le miqat des gens de Najd, et Zatu Irqin, qui est le miqat des gens de l'Irak. Et il y a Al-Mawaqit Al-Zamaniyah, les délimitations temporelles. Pour la Umrah, autrement dit, ce sont les moments dans lesquels il est autorisé de faire la Umrah, les moments qu'a défini le prophète sallam, dans lesquels il est autorisé d'accomplir la Umrah et le Hajj ou la Umrah ou le Hajj. Concernant la Umrah, elle peut se faire durant toute l'année. Concernant le Hajj, il peut se faire pendant les mois de Shawwal, Dhul-Qi'da et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Mais le cheikh avait donné une définition plus précise et avec un moyen qui nous permet de nous en rappeler, même après des mois, voire des années. Naam. Le Hajj, on peut le faire à partir de la première nuit de Eid al-Fitr jusqu'à l'apparition de l'aube de la nuit de Eid al-Adha. Donc, les deux repères, ce sont les deux fêtes. La première nuit de Eid al-Fitr, qui est la première nuit du mois de Shawwal. Et l'apparition de l'aube de la nuit de l'Eid, de Eid al-Adha. Autrement dit, jusqu'au matin du dixième jour, jusqu'à l'apparition de l'aube du dixième jour. Donc, lorsque l'on dit les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, est-ce que le dixième jour est inclus? La dixième nuit est inclus, mais pas le dixième jour. Taïm. Donc on s'est arrêté ici. ثم قال حفظه الله وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرض فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار رواه البخاري ومسلم وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكر أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici, soyez attentif, car ici, الشيخ العباد حفظه الله تعالى donne une définition des mois sacrés. Donc on a vu les mois du Hajj et il définit les mois sacrés qu'Allah Azza wa Jal a cités dans le 36e verset de Surat At-Tawbah lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens إِنَّ عِدَةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. Le nombre de mois chez Allah sont au nombre de 12 dans le livre d'Allah. Et ceci depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, et 4 de ces 12 mois sont sacrés. Donc il y a, dans les 12 mois de l'année, 4 mois qui sont sacrés. Ces 4 mois sont Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, Al-Muharram et Rajab. 3 se succèdent, et l'un est isolé. Les 3 qui se succèdent sont les mois de Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah et Al-Muharram. Ce sont 3 mois qui se succèdent. Et le mois de Rajab, qui se trouve au milieu de l'année, qui est isolé des autres mois sacrés. طيب. Puis il dit, حفظه الله, et les 3 qui se suivent sont le mois du Hajj. Le mois du Hajj, c'est le mois dans lequel le Hajj, où il y a les rites du pèlerinage, c'est lequel mois? Le mois dans lequel l'on accomplit le Hajj, c'est Dhul-Hijjah. D'accord? Donc les 3 qui se succèdent sont le mois dans lequel on accomplit le pèlerinage, qui est Dhul-Hijjah, le mois avant dans lequel les gens vont au pèlerinage, qui est le mois de Dhul-Qi'dah, et un mois après, le mois dans lequel les gens reviennent du Hajj, qui est le mois de Muharram. Ainsi, il dit, hafidhahullah, le mois de Muharram et de Rajab font partie des mois sacrés, mais ne font pas partie des mois du Hajj. Al-Muharram et Rajab sont des mois sacrés, mais ce ne sont pas les mois dans lesquels on accomplit le Hajj. Shawwal fait partie des mois du Hajj, mais n'est pas un mois sacré. Shawwal n'est pas un mois sacré, mais c'est un mois dans lequel on accomplit le Hajj. Dhul-Qi'dah fait partie à la fois des mois sacrés et des mois du Hajj. Dhul-Qi'dah fait partie à la fois des mois sacrés et des mois du Hajj. Et Dhul-Hijjah, écoutez bien, Dhul-Hijjah, le mois entier de Dhul-Hijjah est un mois sacré. Et les 10 premiers jours sont des jours du, font partie des mois du Hajj. Et les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, donnaient une immense importance à ces mois sacrés, à tel point qu'ils s'abstenaient de tout combat et de toute lutte entre les différentes tribus pendant ces mois sacrés. Pour cela que le groupe de Abd al-Qais, la tribu d'Abd al-Qais, lorsqu'ils sont venus et ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur enseigner des paroles qu'ils pourront transmettre à ceux qui les succéderont et par laquelle ils entreront au paradis, lorsqu'ils sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « Oh, envoyé d'Allah, nous ne pouvons venir à toi que pendant les mois sacrés. Car il y a entre nous et toi cette tribu des mécréants de Mudar. Des mécréants de Mudar. Car ils étaient en... ils se combattaient, donc ces tribus se combattaient les unes les autres. Et comme cette tribu se trouve entre eux et Médine, eh bien, ils ne pouvaient se rendre à Médine que pendant les mois sacrés, car c'est des mois dans lesquels même les polythéistes avant l'arrivée de l'islam ne combattaient pas et ne se faisaient pas la guerre les uns les autres. Et la description des mois sacrés est citée notamment dans le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال المؤلف حفظه الله المحظورات في الإحرام. Puis الشيخ العباد حفظه الله entame le chapitre des interdits de l'Ihram, des actes qu'il est interdit d'accomplir et de faire pendant l'état de sacralisation. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام وهي تسعة أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. Il a été cité précédemment que, notamment dans les piliers du Hajj et de la Umrah, que l'Ihram, c'est l'intention d'entrer dans le rite. L'intention d'entrer dans le rite, l'Ihram, qui est, on l'a vu tout à l'heure, un pilier à la fois du Hajj et de la Umrah. Et pourquoi est-ce que l'intention d'entrer dans le rite est appelée ihram? Car lorsque l'on entre en état de sacralisation, eh bien, il y a des choses qui nous sont interdites. Ces mêmes choses qui, avant l'état de sacralisation, nous étaient autorisées. Et cela est similaire à takbiratul ihram pendant la prière. Le premier takbir de la prière, lorsque l'on entre dans la prière, elle est appelée takbirat al-ihram. Ce takbir est appelé takbirat al-ihram, car le prieur, lorsqu'il entre dans sa prière, eh bien, il y a des choses qui lui deviennent interdites, ces mêmes choses qui lui sont autorisées avant d'entrer en prière. Comme par exemple, parler, il faut entrer dans les détails, mais des choses claires, boire et manger. Boire et manger. On a le droit de boire et manger, bien sûr, les choses licites, mais lorsque tu es en prière, il t'est interdit de boire et de manger. Et donc c'est pour cela, notamment, que ce premier takbir est appelé takbirat al-ihram, car il t'interdit des choses qui, avant la prière, t'étaient autorisées, mais lorsque tu es en état de prière, ces choses te sont interdites. Et ces choses, justement, qui nous sont interdites pendant l'état de sacralisation sont appelées mahzourat al-ihram, les interdits de al-ihram, qui sont au nombre de 9. Mahzourat al-ihram sont au nombre de 9. Premièrement, akhdush-sha'r, le fait d'arracher, de couper, de d'épiler un quelconque poil du corps. Wa taqlim al-adhfar, de se couper les ongles. Et lorsqu'on dit les ongles, cela inclut à la fois les ongles des pieds, des mains comme des pieds. Wa at-tib, le parfum. Troisièmement, le parfum. Quatrièmement, le fait pour l'homme de se couvrir la tête. Wa labsuhu al-makhit, et donc on a dit premièrement de se couper les, d'arracher des poils, deuxièmement de se couper les ongles, troisièmement de se parfumer, quatrièmement pour l'homme de se couvrir la tête, cinquièmement de porter al-makhit. Et le cheikh définira et donnera des détails sur ce qu'est al-makhit. Wa qatlu sayd al-bar, le fait de chasser un gibier terrestre. Wa aqdu an-nikah, le fait de contracter un acte ou de faire un acte de mariage. Huitièmement, d'avoir un rapport avec son épouse. Et neuvièmement, al-mubashara. Al-mubashara, qui est tout ce qui précède le rapport intime. Et tous ces interdits, il y a des sagesses derrière cela. Parmi ces sagesses, le fait que la personne éduque son âme, éduque sa personne à s'abstenir de ces choses qui lui sont autorisées lorsqu'il n'est pas en état de sacralisation, mais qui lui sont interdites en état de sacralisation. Et il délaisse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il s'éduque à s'humilier, à se soumettre à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à répondre aux commandements d'Allah et de son prophète. فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك يدل لذلك قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد لأن كل ذلك أخذه من الترفه وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى رواه البخاري ومسلم ولفظه في البخاري ووفروا اللحى وعند البخاري ومسلم بلفظ وأعفوا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس رواه مسلم وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في منسكه وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم اللحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإن لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقال وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. في الجي حفظه الله en expliquant ce premier interdit des interdits de l'ihram qui est le fait de prendre d'arracher des poils. Que ce soit les cheveux, que ce soit les poils de la moustache, que ce soit les poils des aisselles, ou que ce soit les poils du pubis ou tout autre poil. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 196 de Sourate Al-Baqarah lorsqu'il dit Azza wa Jal selon le sens « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. » Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête, alors qu'il expie par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Et donc, à le même jugement que les cheveux, les autres poils du corps, car le fait de prendre de ces poils fait partie de at-tarafuh. Et cela, vous allez l'entendre souvent. At-tarafuh, que l'on pourrait traduire par le bien-être, car toutes ces choses font partie du bien-être, d'accord ? Le fait que l'on se rase les cheveux, qu'on se les raccourcisse, le fait que l'on épile les poils des aisselles, que l'on rase les poils du pubis, la personne fait tout cela pour son bien-être. Or, en état d'ihram, tout ce qui est bien-être, dans la plupart, est prohibé. Vous verrez que la plupart des choses qui sont interdites dans l'état de sacralisation fait partie, justement, de at-tarafuh, du bien-être. Quant à la barbe, il est interdit de la raser ou de la diminuer ou de prendre de celle-ci. Quant à la barbe, le fait de la raser ou de la réduire ou de la raccourcir est interdit dans l'ensemble des situations, que la personne soit en état de sacralisation ou qu'elle ne soit pas en état de sacralisation. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Distinguez-vous, ne faites pas comme les polythéistes. Raccourcissez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans les termes de Al-Bukhari, le prophète sallam a dit « Wawaffiru al-liha » c'est-à-dire « Laissez vos barbes grandir. » « Wa inda al-Bukhari wa Muslim a'fu » c'est-à-dire « Laissez vos barbes. » Et dans le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallam a dit « Juzzu shawarib »« Raccourcissez vos moustaches wa arkhul liha » et allongez vos barbes. Ne faites pas comme les mages. » Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Dans ces deux hadiths, ainsi que leurs différentes versions, l'ordre de laisser pousser les barbes a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant quatre termes différents. Al-i'fa, qui est le fait de laisser. Al-i'fa, qui est le fait de ne pas raccourcir. Al-irkha, qui est le fait d'allonger. Et al-tawfir, qui est le fait d'avoir une barbe en quantité, c'est-à-dire de faire en sorte que sa barbe soit garnie. Et on ne peut garnir sa barbe qu'en la laissant. Puis il cite, hafidhahullah ta'ala, deux paroles. La première de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son livre que l'on a vu, que le Cheikh a cité au début du livre, qui est al-idah, al-tahqiq wal-idah, al-tahqiq wal-idah, li kathiri min masail al-hajj wal-umrah. Il dit, rahimahullah, et la catastrophe est grande à notre époque. Lorsque beaucoup de gens contredisent cette sunna et combattent les barbes et sont satisfaits de ressembler aux non-musulmans ainsi qu'aux femmes. Car parmi les preuves ou les arguments qu'il est interdit à l'homme de raser sa barbe, c'est le fait que l'homme qui rase sa barbe ressemble aux femmes. Or, le prophète sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. À ces personnes, car ces personnes sont satisfaits de ressembler aux non-musulmans ainsi qu'aux femmes. Et la catastrophe est d'autant plus grande lorsque ces personnes s'affilient à la science et à l'enseignement. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et il cite la parole du Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir Adwa'ul Bayan, lorsqu'il explique Surah Taha, notamment les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal parle de Haroun et de Moussa, notamment lorsque Haroun a dit à Moussa, Yabna umma la ta'khudh bilihyati wa la birasi. Ô fils de ma mère, ne me prends pas ni par ma barbe, ni par mes cheveux. Et Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, a cité notamment la preuve d'après ce verset qu'il est obligatoire de laisser pousser la barbe et que cela était le comportement des prophètes alayhimus salatu wassalam. Puis il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe fournie sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement grande que les compagnons radiallahu anhum savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant les raka'at à voix basse. Comment ils le savaient? En voyant les mouvements du prophète, de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière son dos. En voyant les mouvements de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de derrière son dos. Et il faisait partie, et il était la plus belle des créatures, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et celui qui avait la plus belle apparence. Et cela nous fait penser à la parole de Aïcha radhiyallahu anha qui a dit, gloire à celui qui a embelli les hommes par les barbes. والذي زين الرجال باللحى. Et elle jurait, radiallahu anha, par cela. Elle disait, je jure par celui qui a embelli les hommes avec la barbe. Et les hommes qui ont conquis Kisra wa Kaysar, les hommes qui ont fait en sorte que se soumettent les habitants de l'Est et de l'Ouest, il n'y avait parmi eux aucune personne qui rasait sa barbe. Autrement dit, les compagnons radiallahu anhum qui ont conquis les différentes terres, eh bien, aucun d'entre eux ne rasait sa barbe radiallahu ta'ala anhum. Et également, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il n'y avait aucun homme qui avait la barbe rasée. Et le fait de voir un homme la barbe rasée était une chose répugnante et qui attirait l'attention. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ces deux hommes qui avaient rasé leur barbe et avaient laissé pousser leur moustache, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Et sa colère se voyait de son visage, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Man amarakuma bihada? Qui vous a ordonné de faire ça? Qui vous a ordonné de faire ça? Ils ont dit: C'est notre maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quant à moi, mon Seigneur m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de raccourcir ma moustache. ثم قال حفظه الله الثاني تقليم الأظفار قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وقال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ووضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك هكذا روى عطاء ومجاهد عنه وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. Deuxième interdit des interdits de l'ihram, le fait de couper ses ongles. Quand on dit couper ses ongles, que tu les coupes avec un coupe-ongles ou que tu les ronges. Le fait d'enlever les ongles fait partie des interdits de l'ihram. Et on a dit que les ongles concernent les ongles de la main et des pieds également. Ibn al-Mundhir, dans son livre Al-Ijma', a dit, et ils sont unanimes, que celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de couper ses ongles. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, lorsqu'il explique la parole d'Allah Azza wa Jal, ثُمَّ لِيَقَضُوا تَفَثَهُمْ, le verset 29 de Surat Al-Hajj, selon le sens, puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Ali ibn Abi Talha rapporte de Abdullah ibn Abbas qu'il a dit, c'est le fait de terminer et de sortir de l'état de sacralisation, notamment en rasant sa tête, en portant les vêtements et en coupant ses ongles et autres. Et ceci a été rapporté également de Atta et de Mujahid. Également, Ikrimah et Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi ont dit une parole similaire. Et dans le sahih de l'imam muslim, selon Umm Salama radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez le croissant de lune de Dhul-Hijjah, du mois de Dhul-Hijjah, et que l'un d'entre vous veut sacrifier, alors qu'il ne touche ni à ses poils, ni à ses ongles. Ceci concerne quelle personne? Toutes les personnes. Le professeur Hassan a dit, lorsque le mois de Dhul-Hijjah entre et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, c'est-à-dire veut sacrifier Al-Udhiyah. Et notamment, on avait vu concernant Al-Udhiyah qu'il y avait une divergence des savants sur son jugement. Est-elle la bête à sacrifier le jour de l'Aïd, est-elle obligatoire ou surrogatoire? On avait dit que les savants qui disaient que c'était obligatoire avaient pour preuve la parole du prophète sallam, que celui qui n'a pas fait l'Udhiya, qui n'approche pas notre lieu de prière. Et les autres savants qui ont considéré que c'était une sunna muakkada, qui est la majorité des savants, utilisent ce hadith de Umm Salama radiyallahu anha, quand le prophète sallam a dit, lorsque vous voyez le croissant de Dhul-Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier. Autrement dit, s'il veut, c'est-à-dire comme il veut, comme il peut vouloir, comme ne pas vouloir. S'il veut, alors ce jugement s'applique sur lui. S'il ne veut pas, alors ce jugement ne s'applique pas sur lui. Il a donc le choix. Qu'il ne touche pas, quand il ne touche pas, ne coupe pas, n'arrache pas, ni ses poils, ni ses ongles. Et il dit, hafidhahullah, que celui qui est en état de sacralisation, cela cette interdiction le concerne plus que celui qui n'est pas en état de sacralisation et qui souhaite sacrifier la bête, le sacrifice de l'Eid. Car est-ce que celui qui accomplit le Hajj fait la Udhiyah aussi? Oui ou non? On a dit que le fait que le mutamatti', celui qui fait tamattu' et celui qui fait al-qiran, sacrifie une bête appelée al-hadi pour le hajj, cela ne l'exempte pas s'il a la possibilité, et selon l'avis des savants, de sacrifier al-udhiyah, le sacrifice de l'Eid. Donc le muhrim entre aussi dans ce hadith de Salama radiyallahu ta'ala anha. Et les savants ont dit, comme parmi les sagesses, du fait que même celui qui n'accomplit pas le pèlerinage et qui veut, qui sacrifie la bête de l'Eid, qu'il ne n'arrache pas ses poils, ne coupe pas ses cheveux et ne coupe pas ses ongles, ils disent car de la même façon qu'il participe à l'un des actes que fait le pèlerin, à savoir de sacrifier, eh bien, il participe également dans une partie des choses qui sont interdites aux pèlerins, en guise de, en guise de participation, comme si celui qui ne fait pas le pèlerinage participe à certains interdits qui sont appliqués ou qui sont effectifs pour celui qui accomplit son pèlerinage. ثم قال الثالث الطيب فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس رواه البخاري ومسلم ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم رواه البخاري ومسلم. Le troisième interdit des interdits de l'ihram qui est le parfum. Ainsi, celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit d'utiliser du parfum, que ce soit pour parfumer son corps ou pour parfumer ses vêtements. Ceci après qu'il soit en état de sacralisation. Avant l'état de sacralisation, il lui est autorisé de parfumer son corps et non les vêtements de l'ihram. Et quand on dit parfumer son corps, c'est parfumer ses cheveux, sa tête et ses mains. Car s'il parfume les autres endroits de son corps, eh bien, il y a un risque que ses vêtements soient imprégnés de ce parfum. Celui qui se met du parfum dans son torse, par exemple. Et que, peu après, il met son rida. Est-ce que son rida va être imprégné du parfum? Oui, donc il n'a pas le droit. Il a le droit de parfumer son corps, mais pas son vêtement de l'ihram. طيب la preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné sur ce que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de porter comme vêtement et le cheikh reviendra sur ce hadith par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'il ne porte pas de vêtements touchés par du safran ou du wars qui sont deux type de parfum. Le safran qui est utilisé comme parfum est utilisé aussi comme colorant. Mais le vrai za'faran a une odeur. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était utilisé notamment pour se parfumer son corps, mais aussi parfumer les plats. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la preuve également est le hadith de Ya'la ibn Umayyah qu'un bédouin est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Ju'rana. Et cet homme avait une cape, il était revêtu d'une cape. Et il s'était fortement parfumé. Il a dit, ô envoyé d'Allah, que dis-tu d'un homme qui est en état de sacralisation, qui est entré en état de sacralisation pour la Umrah, et qui porte une cape après s'être parfumé. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, quant au parfum qu'il y a en toi, nettoie-le à trois reprises, et quant à la cape, retire-la. Puis, accomplis pendant ta umra ce que tu accomplis pendant ton pèlerinage. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la preuve également est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qu'un homme qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage est tombé de sa chamelle qui a marché dessus. Fawaqasathu. Et il est mort des suites de ses blessures, radiyallahu anhu. Il est mort en état de sacralisation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lavez-le avec de l'eau et du lotus. Et, mettez-le et faites de ces deux vêtements un linceul. Donc, le linceul du muhrim, ce sont ses vêtements d'ihram. Wa la tumissuhu bitib. Et ne le parfumez pas. Faites en sorte que le parfum ne le touche pas. وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَهُ Et ne couvrez pas sa tête. Car il sera ressuscité le jour du jugement en disant la talbiya. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا Et ces hadiths prouvent que celui qui est en état de sacralisation n'utilise pas de parfum pendant son état de sacralisation. Car ceci fait partie du tarafou. On a dit, c'est bien-être. Est-ce que le parfum, celui qui se parfume, il se parfume pourquoi? Pour son bien-être. Il se parfume pour son bien-être. Et avant l'ihram, il lui est autorisé de parfumer son corps sans ses vêtements. Et le parfum qui reste des parties de son corps qu'il a parfumées, les traces de parfum qui restent sur les parties de son corps qu'il a parfumées, ces parties qui restent après son état de sacralisation, ne lui porteront pas préjudice. Autrement dit, On a dit qu'il est interdit pour celui qui est en état de sacralisation d'utiliser du parfum, que ce soit pour parfumer son corps ou parfumer son vêtement. Avant l'ihram, avant l'état de sacralisation, il lui est autorisé de parfumer son corps, mais pas ses vêtements. Celui qui parfume son corps, puis entre dans le rite, par exemple, du hajj, et dit « labbayk Allahumma hajjan ». Est-ce que après être entré dans l'état de sacralisation, il y aura toujours cette odeur de parfum qui se dégagera de lui ou pas? Oui. Eh bien, cela n'est pas un mal, car il s'est parfumé avant l'ihram et non pas après. Et ceci, ce cas, entre dans la règle yajuzu fil istidamati ma la yajuzu fil ibtida. Comment traduire cette règle? Qu'il est autorisé que les suites d'un acte sont autorisées quand commencer cet acte est interdit. Les suites du parfum que a mis le muhrim sur son corps sont autorisées, alors que pour le muhrim, il lui est interdit de commencer le parfumage pendant son état d'ihram. Or, les restes ou la continuité du parfum qu'il a mis avant son ihram est autorisée. De commencer à se parfumer ou de se parfumer pendant l'ihram est interdit. Pour vous donner un autre exemple qui va illustrer un peu mieux, même si les savants, lorsqu'ils utilisent cette règle, yajuzu fil istida mati ma la yajuzu fil ibtida, ils citent beaucoup le hadith de Aïcha radiallahu anha que le shir va citer par la suite. Un autre exemple pour vous illustrer cette règle concernant le fait de boire pendant l'adhan du fajr. Pendant l'adhan du fajr, pour celui qui jeûne, pour celui qui a l'intention de jeûner, tu as un verre d'eau. Avant l'adhan du fajr, j'ai commencé à boire. Bismillah, je bois. Pendant que je bois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a l'adhan. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de continuer, de terminer mon verre, ou est-ce que je dois m'abstenir de le boire? Je dois finir. Non. Il m'est autorisé de finir. On ne peut pas dire je dois. Le professeur Asselam a dit que celui qui boit et que l'adhan a lieu, فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِ حَاجَتَهُ مِنْهُ, qu'il ne pose pas le verre jusqu'à ce qu'il ait pris ou jusqu'à ce qu'il ait bu de ce verre. Si tu bois, c'est que tu as besoin de boire. Jusqu'à ce qu'il ait terminé son besoin de boire. D'accord? Une personne, le verre est sur la table. Il n'a pas encore commencé à le boire. Et le muezzin fait l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce qu'il a le droit de boire? Non. Donc, yajuzu fil istida mati ma la yajuzu fil ibtida. Celui qui a bu en premier avait commencé à boire. Donc, il lui est autorisé de continuer. Quant à celui qui n'avait pas commencé avant, il ne lui est pas autorisé de commencer pendant l'adhan. Vous avez compris ou pas? Taïb. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui disait: je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son ihram au moment où il faisait l'ihram. C'est-à-dire avant d'avoir l'intention. Et lorsqu'il était licite, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas en état d'ihram, elle parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il accomplisse le tawaf autour de la Kaaba. La preuve également que ce qui reste du parfum par lequel le muhrim s'est parfumé, avec lequel le muhrim s'est parfumé avant l'état de sacralisation, ce qui reste est autorisé après. La preuve également est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit « Je voyais les scintillements. Je voyais les scintillements du parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de sa raie. » Au niveau de la raie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raie qui est la raie des cheveux. C'est ce trait qui sépare la partie droite et la partie gauche des cheveux de la tête. Et Aïcha radiallahu anha voyait les scintillements, c'est-à-dire la brillance du parfum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis sur sa tête, et notamment les scintillements sont visibles lorsqu'ils sont au niveau de la raie, alors qu'il était en état de sacralisation. Wa huwa muhrim. Quant à l'utilisation du savon parfumé, les savants ont divergé sur l'utilisation du savon parfumé par le muhrim. Certains disent que c'est interdit, d'autres disent que c'est autorisé. Est-ce que c'est un sujet dans lequel on peut sortir de la divergence? Oui. Comment? En utilisant du savon sans parfum. Et les savons sans parfum existent. Il y a même maintenant les savons avec 0% de parfum. Ça, je conseille à ceux qui se rendent au Hajj d'en prendre avec eux, car ils peuvent se laver avec en état d'ihram, que ce soit pour laver leurs mains ou pour laver leur corps également. الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. عن أم الحسين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس. رواه مسلم. Le quatrième interdit de l'ihram est le fait que celui qui est en état de sacralisation se couvre la tête ou le visage avec quelque chose qui est posé à même la tête ou à même le visage. Et cela concerne l'homme, dhakar, car la femme, bien sûr, on ne va pas dire lui est autorisé, mais il lui est obligatoire de se couvrir la tête. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur ce que le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, se doit de s'abstenir comme vêtement. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne porte pas al-qumus ni al-amaim. Al-qumus qui est le pluriel de qamis, et al-amaim qui est le pluriel de imama, qui est le turban. Le hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. La preuve également est le hadith d'Abdullah ibn Abbas que l'on a vu précédemment, celui qui a été piétiné par sa chamelle alors qu'il était en état de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Lavez-le avec de l'eau et du lotus et faites de ses deux vêtements son linceul et ne couvrez pas sa tête. Et dans une version, ne couvrez pas sa tête ni son visage. ne couvrez pas sa tête ni son visage, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Quant au fait de se mettre à l'ombre sans moulasiq, quand on dit moulasiq, c'est quelque chose qui est posé à même la tête. Donc le fait de se mettre à l'ombre, de se protéger du soleil avec une chose qui n'est pas posée à même la tête, comme un parasol. Comme un parasol. Et ceux qui utilisent des parasols doivent faire attention lorsqu'ils utilisent des parasols à ne pas porter atteinte aux pèlerins. Car les parasols contiennent des tiges qui sont fines tout autour de celui-ci. Et le fait de le baisser revient à l'amener à hauteur d'homme. Et lorsqu'il y a une foule, le fait de faire un faux mouvement peut blesser un musulman, notamment en le blessant à l'œil ou autre. Il est autorisé de se couvrir et de se protéger plutôt du soleil par l'utilisation d'un parasol ou le toit d'une voiture. Lorsque tu rentres dans une voiture, tu utilises le toit comme une protection et le toit n'est pas collé à ta tête, il est au-dessus. Également un vêtement, tu as le droit de prendre un vêtement et de l'élever au-dessus de ta tête en le prenant avec tes deux mains par exemple. Également d'être sous une tente, cela est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé du soleil par un vêtement lorsqu'il a lapidé la grande stèle le jour de l'Eid sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim selon al-Husayn radiyallahu ta'ala anha. Et dans le hadith de Jabir qui décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décrit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une tente, une sorte de tente a été montée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Namirah, et ceci jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس رواه البخاري ومسلم وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم رواه البخاري ومسلم وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الأفاق فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا كذا وكذا النعال إذا كانت مخيطة وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فليلبسه فليلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو السراويل حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. Puis il dit, Hafidhahullah ta'ala, en citant le cinquième interdit des interdits de l'Ihram. Le cinquième interdit est le fait que l'homme, et lorsque l'on dit l'homme, c'est l'homme et le garçon également. Est-ce que le pèlerinage du garçon qui n'a pas atteint l'âge de la puberté est valide? Oui. Et ces interdits le concernent également. On doit faire en sorte que l'enfant également ne fasse pas ces interdits. Autant que possible. Donc le fait que un homme, donc c'est le cinquième interdit, le fait qu'un homme porte al-makhit. Al-makhit, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, le définit par la suite comme étant ce qui est taillé pour couvrir tout le corps ou une partie du corps. Il est interdit à l'homme en état de sacralisation de porter un vêtement taillé pour tout son corps, comme al-qamis. Est-ce que le qamis recouvre tout le corps? Oui. Ou une partie du corps, comme les pantalons qui recouvrent le bas-ventre et les jambes, comme les chaussettes ou les chaussons qui couvrent les pieds, comme les t-shirts, al-fanayl, qui est le pluriel de fanila en arabe qui signifie le t-shirt, qui couvre la partie haute du corps. Et tout autre vêtement taillé couvrant le corps ou une partie du corps. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, qu'un homme est venu et a dit au envoyé d'Allah, qu'est-ce que le muhrim, qu'est-ce que celui qui est en état de sacralisation a le droit de porter comme vêtement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui ne porte pas de qamis, ni de turban, ni de pantalon, ni de baranis. Al-baranis, c'est le pluriel de burnous. Al-burnous, c'est ce qui est appelé la djellaba. C'est le qamis sur lequel est attaché la capuche. Et c'est le vêtement connu plus précisément et qui est porté beaucoup par les gens du Maghreb. Voilà le khifaf, ni les chaussons, sauf pour une personne qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte des chaussons et qu'il les coupe en dessous de la cheville. Et ne portez pas de vêtements qui ont été touchés par du safran ou du wars, qui sont deux types de parfums, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le sens de an-na'lain, des sandales, est-ce que le muhrim a le droit de porter des sandales? Oui, il a le droit de porter des sandales. Et Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit, dans le même sens que les sandales, il y a les chaussons qui sont en dessous de la cheville. Car dans ce hadith, le professeur Sam a dit, celui qui a des chaussons mais qui ne trouve pas de sandales, alors qu'il coupe les chaussons en dessous des chevilles. Puis, il apporte une précision, hafidhahullah ta'ala, concernant le fait de couper les chaussons ou les chaussettes pour celui qui ne trouve pas de sandales. Il dit, hafidhahullah ta'ala, que cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Puis, pendant le jour de Arafah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafah, combien de pèlerinages a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Un seul. Et il est appelé le pèlerinage d'adieu. Donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafah, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorter les gens à Arafat. Et parmi les paroles qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte des chaussons. Et celui qui ne trouve pas de izar, donc la partie, l'étoffe de tissu qui recouvre la partie basse du corps, alors qu'il porte des pantalons, alors qu'il porte un pantalon, ceci pour le muhrim. Donc pour celui qui est en état de sacralisation. Et dans ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Abad dit, et ce prône et ce prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des pèlerins de toutes parts l'ont entendu. Cela prouve que ce hadith vient abroger le hadith de Abdullah ibn Umar. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafah, donc après qu'il était à Médine, à Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux pèlerins, à tous les pèlerins qui venaient de toute contrée, et tous ces pèlerins, lorsqu'ils vont retourner chez eux, qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux gens? Ils vont leur enseigner que celui qui n'a pas de sandales, qu'il porte des chaussons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici à Arafat, est-ce qu'il a donner une condition, ou est-ce qu'il a donné une précision concernant les chaussons? Est-ce que le professeur Hassam Arafat a dit que les chaussons doivent être coupés et raccourcis en dessous des chevilles? Non. Donc ici, les savants ont déduit que ce hadith du professeur Hassam, le hadith d'Abdullah ibn Omar, est abrogé par le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumain. Quand et celui qui est en état de sacralisation a le droit de faire un nœud. A le droit de faire un nœud sur son izar. De même qu'il a le droit d'attacher son izar avec un fil ou avec une ceinture. Et également, il lui est autorisé d'attacher son izar avec une poche, par exemple, dans laquelle il peut mettre son argent. Même si cette poche, même si cette ceinture comporte de la couture. Également, il a le droit de porter des sandales, même si ces sandales comportent de la couture. Également, il lui est autorisé de porter les vêtements de l'izar et de l'ida, même si les bords sont pliés. Même si les bords sont pliés. Et quand les bords sont pliés, ils sont aussi cousus. Ou également lorsque l'un d'eux est composé de deux étoffes qui sont liées par une couture. Une personne, par exemple, qui a un ihram, dont le izar, donc la partie basse, c'est pas une seule et même étoffe, mais c'est deux étoffes qui sont collées les unes sur les autres et qui sont cousues pour qu'elles tiennent. Car tout ceci est autorisé. Car ce qui est interdit, c'est de porter des vêtements taillés. Et les savants, lorsqu'ils utilisent le mot al-makhit, ils ne veulent pas dire par là des vêtements dans lesquels il y a de la couture, mais c'est des vêtements qui sont taillés pour le corps entier ou pour une partie du corps. Comme le qamis ou le pantalon, comme le dit Cheikh Al-Abad, hafidhahullah ta'ala. Puis il donne un cas en disant, si le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, arrive au miqat pour accomplir le hajj ou la umrah. Et arrivé au miqat, il n'a ni izar ni rida. Il n'a pas les vêtements d'ihram. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui est autorisé de prendre son qamis et de le porter comme on porte le rida. Il est autorisé de prendre son qamis et de couvrir sa partie basse, comme le rida couvre la partie basse du nombril jusqu'au genou. Et de prendre un autre vêtement et d'en faire un rida. Comme par exemple de prendre son pantalon et de le mettre sur ses épaules. Donc cette personne, elle couvre sa partie basse par un qamis et sa partie haute par un pantalon. Est-ce que le qamis est constitué de couture? Oui. Mais il a le droit de le porter, car ce qui est interdit, c'est de porter le vêtement taillé, normalement. D'accord? Ici, il a pris un qamis, il l'a utilisé, mais il ne l'a pas porté. Il n'a pas entré ses mains dans les manches, etc. Ni sa tête dans l'endroit du qamis prévu à cet effet. Mais il a utilisé son qamis comme un morceau de tissu. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la couture qui est interdite, mais c'est le fait de porter des vêtements taillés pour le corps ou une partie du corps, et cela concerne l'homme, bien sûr. Il est autorisé, à celui en état de sacralisation, de porter une bague, de porter une montre et autre, comme le fait par exemple de porter un bandage. Celui qui porte un bandage, celui qui est blessé à la jambe et qui met un bandage autour de sa jambe, cela est autorisé. Concernant la bague, l'absul khatam, exception à cela, qui est? Est-ce qu'on peut porter toutes les bagues? Les bagues en or pour l'homme est interdit, mais un autre type de bague qui est interdit pour l'homme et pour la femme. La sainte, la bague de mariage ou l'alliance. Car ceci fait partie des coutumes des chrétiens. Les musulmans ne portent pas de bague d'alliance. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans son livre Adab al-Zifaf, explique l'origine de cette bague d'alliance. Les chrétiens, lorsqu'ils se marient, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et ils mettent la bague dans le quatrième doigt. Au nom du Père, le pouce, du Fils, l'index, du Saint-Esprit, le majeur. Et quand il dit Amen, il le met sur l'annulaire. Donc les musulmans qui portent des alliances se doivent de... Wallahu a'lam. Naam. Wa amma al-mar'atu fa innaha talbasu albisataha al-mu'tadah al-mubaha laha shar'a. Wa la tumna'u illa min labsi al-quffazayn 'ala yadayha wa ma khita 'ala qadri al-wajhi kan-niqab wal-burqu'. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف ورواه الدارقطني في سننه عن أم سلمة وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال كما نمتشط قبل ذلك في الإحرام وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال ابن المنذر كما في فتح الباري أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفافة وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن على الرجال الأجانب في الإحرام وغير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق نعم طيب concernant la femme, quels sont les vêtements que la femme doit porter ou peut porter en état de sacralisation? Il dit, hafidhahullah, que la femme porte les vêtements, ses vêtements habituels. Les vêtements habituels, donc, qui sont conformes et qui remplissent les conditions du hijab. Et ici, une parenthèse, le fait que des femmes porte ou considère qu'il est obligatoire ou qu'il est recommandé de porter des vêtements blancs lorsqu'elles sont en état de sacralisation ou des vêtements verts ou autres, cela n'a aucune source, aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la femme porte les vêtements habituels qui lui sont autorisés islamiquement. Il ne lui est interdit que de porter des gants et ce qui est taillé pour couvrir le visage, comme le niqab ou le burqa. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme en état de sacralisation ne porte pas de niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Apporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Et lorsque la femme est en présence d'hommes étrangers, elle doit alors couvrir ses mains, cacher ses mains avec ses vêtements, et cacher son visage avec un khimar. Et quand on dit un khimar, c'est un voile. Un voile qui est posé sur sa tête et qui tombe sur son visage. Et elle couvre son visage lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que des cavaliers passaient à proximité de nous alors que nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram. Et lorsqu'il se rapprochait de nous, alors nous recouvrions nos... nous faisions abattre notre jilbab de notre tête sur nos visages. Et lorsqu'il nous dépassait, alors nous découvrions nos visages. Un hadith rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan et il y a une faiblesse dans ce hadith. Il y a une faiblesse dans ce hadith et il est rapporté également par l'imam Ad-Darqutni dans ses Sunan selon Umm Salama radhiyallahu anha et il y a également dans la chaîne de transmission du hadith de Umm Salama le même rapporteur faible. Et ce qui renforce ce hadith et ce qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, selon une chaîne de transmission authentique, qui dit que la femme fait rabattre sur son visage, fait rabattre le jilbab depuis sa tête sur son visage. Et ce hadith est également appuyé par une autre version rapportée par l'imam Malik dans son Muwatta selon Fatima bint al-Mundhir, qui dit que nous cachions nos visages alors que nous étions en état de sacralisation, et avec nous il y avait Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Et selon Asma radiyallahu anha, elle dit: nous cachions nos visages des hommes alors que nous étions en état de sacralisation. Ibn al-Mundhir a dit, comme cela est rapporté par Al-Hafidh ibn al-Hajar dans son livre Fath al-Bari, ils sont unanimes que la femme a le droit de porter tous les vêtements taillés ainsi que les chaussons, et qu'elle doit couvrir sa tête et couvrir ses cheveux sauf son visage, qu'elle recouvre d'un voile lorsque des hommes sont amenés à le voir. Et Cheikh Al-Abbad hafidhahullah dit: et les femmes, au fur et à mesure des siècles, n'ont cessé de couvrir leur visage des hommes étrangers, qu'elles soient en état d'ihram ou qu'elles ne soient pas en état d'ihram, jusqu'à ce que As-Sufur, le fait de se dévoiler, soit apparu dans les débuts du 14e siècle. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit dans le Fath: et les femmes n'ont cessé jadis et maintenant de couvrir leur visage des hommes étrangers. On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Et on continue inchallah ta'ala demain après la prière du Maghrib.